garder pour nous la prière. Pour mes gens, y'a pas nous dit la tête. Les grandes puissances tapent et négocier. Mais ça y est, le coco cabachet. Nous devons suspendre mes armes nucléaires. C'est la vie de notre monde qui menaçait. Nous souhaitons un jour tout ça va régler. La vague et la paix dans le monde entier. Non, c'est messager de l'amour. Pas comme exemple la fraternité. Ne dis pas non, c'est l'égalité. Nous souhaitons que le jour ça va finir. La vague et la paix dans le monde.